Quand le FN assassine Jaurès une seconde fois. Des historiens Alain Boscus, Rémi Casals, Jean Faury, Rémi Pêche, Roland Trempé, du philosophe Bruno Antonini, de l'historien du droit Jacques Poumarède. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Pour lancer sa campagne des élections européennes de juin prochain dans la région sud-ouest, le Front National vient d'éditer un tract et une affiche, déjà apposés sur les murs de plusieurs villes, scandaleusement mensongers. Après avoir repris, hors contexte, une phrase de Jaurès, « À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien ». Ces deux documents affirment en effet, en reproduisant un portrait connu du personnage, que le député socialiste du Tarn aurait voté Front National. C'est particulièrement malhonnête et c'est bien mal connaître Jaurès que de le faire parler ainsi un siècle après sa mort. Et cela ne repose bien sûr sur aucun fondement historique. Les nationalistes et la droite d'alors l'ont en effet sans cesse insulté, méprisé, menacé, agressé, et ce qu'il a fait et qu'il représente est encore aujourd'hui profondément honni de l'extrême droite et d'une bonne partie de la droite. Nous assistons donc à une campagne d'opinion indécente qui a pour but de perturber les programmes en cours relatif au 150e anniversaire de la naissance de Jean Jaurès. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans la région toulousaine qu'a été conçu ce coup médiatique, puisque c'est là que rayonne le plus la mémoire du leader socialiste et que les projets culturels les plus ambitieux ont été décidés. Tout au long de sa vie politique, notamment lors de l'affaire Dreyfus et au moment du débat contre la loi de 3 ans de service militaire, les nationalistes l'ont traité d'ennemi de la France, de sans-patrie, de lâche et de traître. À l'approche de la crise de l'été 1914, leur presse et une partie des titres conservateurs, ainsi que les Maurras, les Daudet, les De Waleff, les Franoin, ont même armé, par leurs propos haineux et serviles, le bras de son assassin. Oui, ce sont bien les allégations mensongères et les attaques directes de l'extrême droite et de la droite extrême d'alors qui ont tué Jaurès. Et cela même, qui se situe aujourd'hui dans la lignée directe de ses mouvements d'idées et d'actions et de ses pousses au crime, se réclamerait à présent de lui? C'est un comble! Nous ne pouvons accepter qu'il salisse ainsi la mémoire de Jaurès. Sans dénier à quiconque le droit de le citer, dans la mesure où les principes d'honnêteté intellectuelle et de probité de langage et de méthode sont observés, et sans nous ériger en gardiens d'une mémoire unique et d'un temple jaurésien intouchable qui n'existe pas, nous voulons seulement remettre l'histoire à sa place et rappeler quelques points fondamentaux de la vie du grand homme qui savait, lui, respecter ses adversaires. Jaurès était profondément attaché à son pays, à la nation française, tout en étant internationaliste. Il aimait la France, mais pas celle de la droite et de l'extrême droite monarchiste, cléricale et nationaliste. Nul besoin de jouer sur la complexité historique du mot « patrie » pour affirmer cela. Il aimait en effet la France républicaine, celle des Lumières et de la Révolution de 1789, celle des 48 arts, de la Commune, de Hugo et de Zola, celle qui lui paraissait de plus en plus en capacité, grâce à la progression du socialisme et du syndicalisme, d'imposer la république sociale qu'il appelait de ses vœux. Il s'est maintes fois prononcé en faveur d'une armée nouvelle, liée à la nation, défensive et débarrassée du code militaire barbare alors en vigueur. Il s'est battu pour les droits de l'homme, mais de tous les hommes, pas seulement des Français. Il a par exemple défendu les militants syndicaux poursuivis et son plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort demeure un des moments forts de son engagement. Il s'est aussi prononcé à différentes reprises pour le droit de vote des femmes, mesure à laquelle s'opposaient avec acharnement tous les conservateurs. Et en ce domaine, nous le savons, il y en avait aussi à gauche, appuyé sur le Sénat. Il a lutté, en outre, contre la politique coloniale de la France, pour l'accession des musulmans d'Algérie à la citoyenneté, contre l'antisémitisme et le racisme. Dans un de ses derniers articles, L'Humanité, 24 juin 1914, il demandait par exemple de protéger les ouvriers étrangers contre l'arbitraire administratif et policier pour qu'ils puissent s'organiser avec leurs camarades de France et lutter solidairement avec eux sans crainte d'expulsion. Au sein de l'Internationale socialiste, dont il fut un des deux représentants français, il a œuvré en faveur de l'entente entre les peuples et de la paix. Il voulait aussi que soient établies des règles de droit, telles l'arbitrage obligatoire, qui dépasse le cadre politique national. Contre la guerre de revanche, il s'est sans cesse opposé au nationalisme cocardier et à ceux qu'il nommait lui-même les maquignons de la patrie. Souhaitant l'apaisement au moment des crises diplomatiques et le rapprochement en vue d'actions communes des socialistes et des salariés français et allemands, il alla même jusqu'à proposer la grève générale simultanée en cas de guerre. Anticlérical, mais non antireligieux, il fut aussi un ardent militant de la laïcité, de l'éducation publique et laïque, et un artisan de la loi de séparation des églises et de l'État. Ce fut là encore un épisode qui attira contre lui les foudres les plus véhémentes des droites coalisées. Enfin, son engagement de tous les jours consistait à améliorer les conditions de travail et à étendre les droits économiques et sociaux au profit de tous les travailleurs et pas seulement des travailleurs français. Assurance sociale contre la maladie, les accidents du travail, le chômage, retraites ouvrières et paysannes, impôts progressifs sur les revenus et sur les successions, baisse du temps de travail, plus généralement, mais en l'affirmant sans relâche, il voulait créer les conditions pour qu'advienne, en France comme ailleurs, une société nouvelle, débarrassée de toute forme d'oppression et d'exploitation, une société basée sur la propriété collective et l'intervention directe des travailleurs et de leurs syndicats dans l'économie, sous l'égide d'un État démocratisé de fond en comble, le socialisme. Ces quelques exemples non exhaustifs l'indiquent clairement. Sa conception de l'homme, des rapports sociaux et des relations internationales, de la vie même, n'avait rien de commun avec celle prônée aujourd'hui par le FN, ni même sa conception du passé, du présent, et de l'avenir. L'opération qui consiste à annexer Jaurès n'est pas nouvelle, mais elle témoigne autant de la grandeur du personnage lui-même que de la malhonnêteté intellectuelle et politique de celles et ceux qui s'y livrent, tout en sachant que rien ne les y autorise, souvent par calcul électoral et pour brouiller les repères politiques historiquement construits. Déjà, l'entourage de Pétain s'était prêté à ce jeu sous Vichy et, depuis une trentaine d'années, les milieux les plus rétrogrades du patronat lui ont emboîté le pas en faisant circuler un texte tronqué de Jaurès sans jamais tenir compte des observations faites par les historiens de la Société d'études jaurésiennes. Et l'on sait que le président de la République s'est lui aussi recommandé du dirigeant socialiste à plusieurs reprises durant la campagne des élections présidentielles, en utilisant tous les ressorts des plans de communication politiciens. L'affiche et le tract édité aujourd'hui par le FN continuent de creuser ce sillon. Sans leur donner l'importance qu'ils n'auront pas, ces documents de propagande montrent à quoi en sont réduits à présent les responsables et candidats du FN pour tenter de gagner quelques voix. Non, vraiment, tout le monde ne peut pas se réclamer de Jaurès. Le 150e anniversaire de sa naissance, auquel nous sommes nombreux à travailler, notamment en Midi-Pyrénées, ne fera que rappeler une nouvelle fois cette évidence.